C'est la troisième partie de la rétrospective 2016, cette traditionnelle rétro Undead. Et je vais tenter de la conclure ce soir. Et pourquoi est-ce que je veux qu'elle se termine ce soir? Eh bien, parce que ce sera la troisième semaine passée sur des sorties qui sont déjà des vieilleries. Et c'est amplement suffisant. Parce que maintenant, je devrais peut-être faire comme ceux qui écoutent de la pop, c'est-à-dire qu'après trois jours d'écoute, ça date de déjà beaucoup trop et c'est devenu de la musique pour les ringards. Est-ce que je deviendrais moi aussi superficiel? Eux qui considèrent que cela est une qualité. Bande de cons! Sans plus attendre et avant que je ne devienne superficiel, voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il procède à une évaluation mentale et que son diagnostic conclut que la seule maladie recensée est la carence de bon goût, due à cette stupide maladie qu'est la superficialité. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are undead. Incorporated, cause I, Pendragon, said so. Et débutons avec le numéro 4 de mon top 10, Asphyx, go! Je ne vous souhaite pas la bienvenue en ce dernier jour de janvier. 31 de l'an de disgrâce 2017. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. Et effectivement, la semaine dernière, je n'ai pas pu être présent pour l'émission, ce qui veut dire que la finalisation de cette Retro Undead rétrospective 2016 aurait dû se faire la semaine dernière, mais se fera cette semaine. Du moins, j'ai la ferme intention de le faire. On vient d'entendre la formation des Pays-Bas Asphyx et deux pièces tirées de leur dernière parution qui est sortie le 30 septembre dernier, soit Incoming Death, qui était le 9e album studio de la formation, paru sous étiquette Century Media. Entendu à l'instant la pièce de Feeder, qui s'est précédée en ouverture de bloc et d'émission de Candy Roo. Évidemment, une formation qui donne dans un death doom metal à grande connotation, je dirais, au niveau des paroles, des lyrics qui traitent de la guerre, souvent de la Deuxième Guerre mondiale ou aussi de la Première. Formation qui existe depuis 1987, en fait, sous le nom à l'époque jusqu'en 1999 de Soulburn pour prendre le nom de Asphyx en 2000. Et notez que un des rares membres à être toujours, c'est le seul d'ailleurs à être présent depuis pratiquement tous les tout débuts, c'est Martin Van Dronen, ce vocaliste à la voix très particulière qui a 51 ans aujourd'hui et qui ne semble pas vouloir laisser sa place pour autant. On a souvent dit, en parlant de la formation Obituary, et partiellement de John Tardy, le vocaliste, le chanteur, que c'était un des vocales les plus particuliers du métal, ce avec quoi je suis assez d'accord. Un vocal, je dirais, dans les années 90, qui était, à ma foi, assez original et assez bon. J'en ai autant à dire en ce qui concerne Martin Van Dronen. C'est un vocal qui est très particulier. Certains critiquent, parce qu'on dit qu'il est complètement en train de dérailler sa voix, alors que c'est typiquement son style de chanter de cette façon. Et moi, ça me plaît beaucoup. Effectivement, on va tenter de clore cette Retro Undead 2016. Il y a quand même beaucoup de choses et je suis bousculé dans le temps. Il y a aussi la finalisation de la partie série télévisée et la section cinéma 2016 qui est franchement moins bien garnie que l'aspect série télévision. Mais quand même, il y a des choses à noter. Donc, je vais essayer de faire le plus rapidement possible. On va poursuivre immédiatement avec la formation suédoise Meshuga et trois pièces tirées de leur très bon album et dernier, soit le 9e également, à l'instar de Asphyx, The Violent Sleep of Reason, qui est paru le 7 octobre dernier sous étiquette Nuclear Blast. On va entendre trois pièces qui vont être dans l'ordre Clockworks, Monstrosity et Our Rage Won't Die. D'ailleurs, une pièce que mon ami DJ Tower of Death m'avait dédiée lors d'une de ses émissions de Subversion il y a quelques semaines. C'est le numéro 2 de mon top 10, top 10, pour dire en bon français, de l'année 2016. This is Meshuga, the Mighty Meshuga. Go!

Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Ici Bertrand Godin. Quel est votre taux d'alcoolémie après avoir pris un verre? L'Alco-Tube Plus, un alcootest certifié, vous indique si vous dépassez la limite légale. Soufflez pour une bonne cause, votre vie et celle des autres. Disponible à la SAQ et Le Beau Vitre d'Auto. Ma? Oui, mon chou? Le groupe prépositionnel, là, comment je fais pour trouver ça? Ma? Allô, prof. Ma, j'ai besoin d'aide. Oui? En anglais, là, c'est quoi des jeux auxiliaires modal? Auxiliaire model. On ne peut pas avoir réponse à tout. Heureusement, il y a Allô Prof. Voici une suggestion de nouveauté à ajouter dans ta playlist. La voix de ton GPS, c'est celle de Walt Disney. Ton instinct, c'est Essay Chevy Chase, le deuxième album de Rouge Pompier. Sol volume à 11, puis va voir leur clip sur YouTube. Je Chevy Chase est disponible maintenant en CD, en vinyle, puis en ligne. Circuit des étudiants. Affiche ta fierté UQTR. Du 14 au 16 février 2017, publie le mot-clé « Futur diplômé UQTR » au singulier, sans accent, accompagné d'une photo qui représente ta fierté d'être un futur diplômé. Trois prix à gagner. Deux bourses de 250 $ offertes par la Fondation de l'UQTR et une Apple TV accompagnée d'une carte iTunes d'une valeur de 250 $ offerte par TD Assurance Meloche Monox. Une présentation du Bureau des diplômés de l'UQTR. Vous êtes dans la zone 89. h 36, vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou et ce jusqu'à 21h avec mon aimable et humble compagnie. On vient d'entendre la formation suédoise Meshuga et trois extraits de leur dernière parution, excellente parution de Violent Sleep of Reason qui est parue le 7 octobre dernier sous étiquette Nuclear Blast. Il y a eu la pièce Our Rage Won't Die, c'était précédé de Monstrosity, très bonne pièce de l'album. Et en ouverture de bloc, qui est aussi l'ouverture de l'album Clockworks. Comme je l'avais expliqué par le passé dans les dernières semaines, lorsque je présente plus d'une pièce pour une des formations retenues, ben c'est que forcément je l'ai beaucoup aimé, n'est-ce pas? J'avais débuté ce qui était les déceptions et les mentions de 2016 qui ne font pas nécessairement partie intégrale de mes retenues au niveau des mentions. Ben, dans les déceptions, le 21 octobre dernier, c'était la parution du dernier, de la plus récente, le dernier album studio, si on veut, de la formation britannique Tigers of Pantang, qui portait le nom simple et... ouais, simple, The Tigers of Pantang. Formation plutôt traditionnelle dans le heavy metal, la new wave of British heavy metal. C'était excessivement décevant comme album. J'ai pas suivi vraiment la carrière de Tigers of Pantang depuis Wildcats, début des années 80, qui était un excellent album, qui avait été suivi d'un ou deux albums quand même assez corrects par la suite. J'avais cessé de les suivre et puis, je me suis dit, revenons en arrière et écoutons ce qu'ils font aujourd'hui. Bah, c'est très mauvais. Autre truc que j'ai vraiment pas beaucoup aimé. Ben, en fait, je l'ai pas détesté, par contre, mais j'ai trouvé un peu décevant, voilà. C'est The Empire de la formation polonaise of Vader, qui est paru le 4 novembre dernier. J'ai trouvé que c'était un album qui était, ma foi, relativement vide, qui sonnait vide et dont la redondance au niveau de la composition était plus qu'évidente. Donc, c'est un album que je n'ai pas vraiment apprécié. Par contre, dans les séries télévisées, il y a la deuxième saison. Ben, en fait, je dis la première saison parce que je l'ai écouté en 2016, alors que la deuxième saison, je l'ai terminée il y a quelques semaines. Formation. Production italienne qui porte le nom de Gomorrah, qui est présentée par Sky Atlantic, qui est une création de Roberto Saviano, qui met en vedette Fortunato Serlino, Marco D'Amore et Marco Palvetti, et qui raconte l'affrontement à Naples de deux clans de la Camorra, qui est dirigé respectivement par Don Pietro Savastano et Don Salvatore Conte, qui s'opposent pour avoir la mainmise sur les différents trafics de la ville. Et ce qu'on nous présente de Naples, ben, c'est vraiment très déprimant et ce n'est pas très, très beau. Bonjour. Conçoit que dans plusieurs villes, il peut y avoir des quartiers plus défavorisés, mais ce qu'on voit, c'est vraiment pas très accueillant. C'est vraiment ce qu'ils appellent les cités. C'est très, très peu accueillant. C'est bien fait. C'est vraiment bien fait. C'est une série, bien entendu, à connotation gangster. Et j'avais un petit peu d'appréhension parce que je me disais, ça doit être tourné différemment au niveau italien, et ainsi de suite. Ben non, c'est vraiment très bien fait, très bien interprété et je dois dire, assez captivant. La deuxième série, la deuxième saison, elle est tout autant et je me la suis tapé en italien, bien entendu, sous-titré en anglais, mais je me la suis tapé en italien. J'ai eu un petit peu de difficulté au début, mais à entendre ce dialogue qui est très rapide, excessivement rapide, avec enfin, pour moi, des mots complètement incompréhensibles. Mais finalement, en bout de ligne, je me suis assez habitué et j'ai trouvé que ça s'écoutait assez bien. Heureusement, il y avait des sous-titres. Une mention pour au niveau des séries télévisées. C'est une série à connotation science-fiction, fantastique et même thriller. C'est Stranger Things, qui est une création de Matt Duffer et Ross Duffer. Je présume qu'ils sont frères ou père et fils. Qu'en sais-je? Qui met en vedette Noah Sharp, Drace Montgomery, Sadie Sink, et qui raconte en 1983 dans l'Indiana le petit Will Byers qui disparaît de son domicile et ses amis se lancent à sa recherche pour le retrouver, et c'est vraiment quelque chose d'assez capoté. Au début, je trouvais que ça faisait très Walt Disney, quasi enfantin. Il y a un aspect comme ça dedans, mais finalement, ça s'avère être assez captivant et c'est bien fait, c'est bien amené. Donc, Stranger Things, c'est une mini-série qui était complète en elle-même, donc je pense que ça vaut la peine d'être connu. On va poursuivre musicalement cette fois-ci avec formation qui est une découverte pour moi, une très belle découverte pour 2016. Formation danoise qui donne dans un death metal relativement traditionnel. C'était leur premier album qui est paru le 17 octobre dernier, War Will Reign. Je parle de la formation Prevail qui existe depuis 2009. C'est vraiment, on va entendre deux pièces qui sont respectivement Blood Eagle et Voices. C'est vraiment un des albums qui m'a vraiment beaucoup accroché l'an dernier. Donc tout de suite, Prevail. Let's go. We'll be right back. Formation danoise Prevail et deux pièces extraites de leur très bon album War Will Reign, leur premier en carrière paru le 17 octobre dernier de façon indépendante. On va entendre la pièce Voices qui s'était précédée de Blood Eagle. C'est vraiment une des parutions que j'ai, je le répète, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est le numéro 3 de mon top 10 2016. Côté cinéma, ben, comme je le disais, la liste est beaucoup moins longue. Il y a moins de trucs qui m'ont accroché cette année au niveau cinéma. Et on comprendra pourquoi il y a tellement de productions et de bonnes productions de séries télévisées que je pense que les productions de grand écran du cinématographique ont énormément de compétition. Je le dis encore, ce ne sont pas des en ordre d'appréciation, mais simplement une liste que je vous défile. Film créé par Todd Phillips qui met en vedette Miles Teller, Jonah Hill, et dans un rôle qui est tout à fait surprenant, et Ana de Armas, c'est War Dogs, et qui raconte l'histoire de deux copains âgés d'une vingtaine d'années qui vivent à Miami à l'époque de la guerre en Irak et qui profite d'un dispositif méconnu du gouvernement fédéral permettant à des petites entreprises de répondre à des appels d'offres de l'armée américaine. Et ils en profitent allègrement et ça dégénère de façon, je dirais, mémorable. C'est un très bon film. Il y a une petite pointe de comédie à travers tout ça, mais c'est un assez dramatique. Il y a un peu d'action aussi à travers ça. Donc, War Dogs, c'est un très bon film. Aussi, la dernière création de ce créatif, voilà, Rob Zombie, c'est l'album 31 qui est paru, je ne sais plus quelle date exactement, mais peu importe, qui met en vedette, et bel et bien, évidemment, Sherry Moon Zombie, l'épouse de Rob Malcolm McDowell, qu'on retrouve dans quelques-uns de ses films comme ses remakes d'Halloween, Elizabeth Daly, et qui relate des faits. C'est faux, bien entendu, mais le 30 octobre 75, 5 personnes choisies au hasard sont enlevées et retenues en otage dans un endroit appelé le monde du crime durant la nuit d'Halloween et devront se battre pour survivre à un jeu violent et sadique. Au début, je me suis dit, il n'y a rien de nouveau là, mais quand en écoutant le film, je me suis dit, c'est très original. La présentation, l'ouverture du film, il l'est tout autant. Et c'est du pur Rob Zombie. Et je dirais, pas loin d'être à son meilleur, oui. Autre film de science-fiction, qui est un film de Justin Lin, c'est le dernier volet de Star Trek, soit Star Trek Beyond, qui met en vedette Chris Pine dans le rôle de James Tiberius Kirk, Zachary Quinto, très bon Zachary Quinto dans le rôle de Spock et Simon Pegg, et qui raconte bien entendu aussi les nouvelles aventures de l'entreprise et de tout son équipage mené par ce Captain T. Kirk. Très bon film, oui, peut-être moins bon que le premier, mais Star Trek Beyond reste un très bon film de science-fiction pour 2016. Suivant, c'est une suite qui se veut être, si on veut, relatant des faits réels. Un film de James Wan qui porte le titre de The Conjuring 2, le cas Enfield, et qui met en scène Lorraine, encore une fois, et Ed Warren, qui ont été célèbres dans les années principalement 60 et 70 pour avoir été des chasseurs de fantômes et de démons à divers endroits, de façon assez planétaire, je dois dire, et qui se rendent à Londres cette fois-ci pour venir en aide à une mère qui élève seule ses 4 enfants dans une maison hantée par des esprits très maléfiques. Et semble-t-il qu'il s'agirait, selon en fait le témoignage de Lorraine Warren elle-même, ça aurait été le cas le plus éprouvant qu'ils aient eu à vivre, une expérience très terrifiante. Le premier, The Conjuring, qui est paru en 2013 peut-être, si je ne m'abuse, avait été un de mes films remarquables en ce qui me concerne dans les parutions de cette année-là. Et encore aujourd'hui, c'est un excellent film d'horreur. Le Conjuring 2, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit oui, c'est bien, mais il y a un aspect qui m'achale peut-être un petit peu. Et je lui ai redonné la chance de le réécouter une deuxième fois. Et finalement, il est très bon ce film-là. Donc, le Kindfield de Conjuring 2, c'est très bon. Je pense que c'est le seul film de super-héros que j'ai retenu cette année, si je ne m'abuse. Ouais, tout à fait. En fait, c'est quasiment un anti-héros. C'est Deadpool qui est une création de Tim Miller qui met en vedette le très bon Ryan Reynolds. En tout cas, il est extraordinaire dans le rôle de Deadpool. Morena Baccarin et Ed Skrein. Et effectivement, ben, c'est le plus atypique de l'univers de Marvel, l'anti-héros Deadpool, qui combattra le crime de façon très particulière et qui lui est très singulière. C'est très vulgaire, c'est très drôle à la fois, c'est très violent. C'est un mélange de toutes sortes de d'émotions on peut retrouver au cinéma et c'était vraiment un film qui est vraiment excellent, Deadpool. Selon moi, c'est le meilleur film de super-héros qui a été fait en 2016. Il y en a eu quand même quelques-uns. Je ne donnerai pas mes déceptions à ce niveau-là parce qu'il y en aura quelques-uns, mais bon, Deadpool, là, c'est vraiment mon top au niveau des super-héros 2016. Autre film très bon, dernière apparition de Clint Eastwood qui met en vedette Tom Hanks, Aaron Eckhart et Laura Linney. C'est le film Sully qui raconte l'histoire du commandant Sullenberger qui, le 15 janvier 2009, aura miraculeusement fait amerrir son avion de ligne sur le Hudson. Et il aura permis que tous et chacun des passagers ainsi que tous et chacun des membres de l'équipage soient sauvés et ne soient pas minimalement blessés. Et c'est tout l'enquête qui tourne autour de vouloir le mettre au banc des accusés pour diverses raisons, comme de quoi il n'aurait pas respecté les consignes de la flotte en question. Bref, c'est un très très bon film. Une fois de plus, je dois dire que Clint Eastwood a réussi à me captiver de par sa façon de tourner les choses. Tom Hanks est extraordinaire. Donc, Sully, c'est un film que je recommande énormément. On va continuer musicalement cette fois-ci avec Formation qui fait la mention numéro 8 de mes mentions numéro 10, de mes 10 mentions plutôt, devrais-je dire. Formation américaine qui porte le nom de Testament, une pièce tirée de leur dernier album Brotherhood of the Snake, qui était le 12e en carrière album studio, paru le 28 octobre dernier sur Nuclear Blast. Pardon. Je vais joindre ça aussi. En fait, j'ai comme décidé à la dernière minute de le joindre. C'est une pièce d'une formation grecque qui s'appelle Principality of Hell, pièce tirée de leur deuxième album Sulfur and Bane, paru le 28 octobre également. Pourquoi? Ben, elle ne fait pas partie de mon top 10, de mes mentions 10 non plus, mais je trouvais que c'était intéressant pour son aspect très old school. Je l'ai présenté lors d'une précédente édition de réanimation, mais je le ramène, et cette fois-ci avec la pièce Sound of the Desert, dont à l'instant, débutons avec Testament. Let's go! We'll be right back. We'll be right back. Chers partenaires de la radio Cifou 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan présente plusieurs événements culturels en Mauricie. Tu es passionné? Tu aimes quand ça bouge? Pour savoir tout ce qui se passe et où ça se passe, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. Le jeudi 19h, écoutez Très Blues Assez Fou. Nous présentons le blues de ses origines au blues d'aujourd'hui. La chronique de Paul Deslauriers, les biographies de Steven Hubert et des prestations en direct. Très Blues Assez Fou sur C'est Fou 89.1 FM. C'est fou! Comme la vie est belle! Je suis Belle Emmanuelle et les mercredis à 13h, vous m'envoyez vos messages et vos questions et je vous réponds avec une chanson. Soyez là pour répondre avec une chanson sur les ondes de C'est fou! Voici une suggestion de nouveauté à ajouter dans ta playlist. La voix de ton GPS, c'est celle de Walt Disney. Ton instinct, c'est essaye celle Chevy de Chase, de le deuxième album de Rouge Pompier. Les sols volume à 11, puis va voir leur clip sur YouTube. Chevy Chase est disponible maintenant en CD, en vinyle, puis en ligne. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou! Vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation et en Dead Incorporated Show jusqu'à 21h. On vient d'entendre à l'instant la formation. Ah, quoi? Oui, t'as raison, Horace, faut que j'accélère la cadence. Effectivement, la formation grecque Principality of Hell est une pièce tirée de leur deuxième album paru le 28 octobre dernier, Sulphur and Bane, de sous étiquette Osmos Production. La pièce est en Son of the Desert. Formation qui existe depuis 2013. En fait, c'est un trio qui était issu d'une autre formation que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Two Heart Lord. Ça me rappelle vraiment là le métal qui devenait un peu plus malsain, là, à mi-chemin entre le black et le peut-être le speed des années 80. Donc, non, j'ai bien aimé Principality of Hell. Juste avant, bien entendu, nous avions les Américains de Testament, qui apparaît à la mention numéro 8 de mes choix 2016, et la pièce de Pale King, qui est tirée de leur 12e album studio Brotherhood of the Snake, paru le 28 octobre également sous étiquette Nuclear Blast. Ben, c'est pas le meilleur de Testament selon moi, mais c'est un bon album de trash. Ils ont fait un bon travail, et je pense que l'album méritait amplement d'être sous mention. La dernière déception, dois-je dire, de l'année 2016, qui, en fait, déception, c'est un grand terme. Je parle de Metallica, bien sûr, et leur album Hardwired to Self-Destruct. Ben, dans les faits, c'est pas une déception, c'est juste normal. Voilà. Côté cinéma. Oui, je sais, Horace me l'a dit, il fallait que j'accélère la cadence, je vais essayer de le faire. Un autre excellent film qui est paru, un film de Paul Andrew Williams qui met en vedette Martin Freeman, Anthony LaPaglia et Rebecca Front, c'est The Irishman Show, qui raconte, qui relate, qui refait ou qui recrée les événements de 1961, alors que Milton Frenchman et Leo Horwitz créé un des premiers événements télévisés, mondiaux, en direct, en retransmettant le procès de Adolf Eichmann depuis Jérusalem dans 37 pays pendant 4 mois, et qui est un événement extraordinaire pour la télévision à cette époque-là et historique, puisque c'est le procès de l'architecte en chef nazi du plan d'extermination d'Europe. pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Et c'est qui aura créé énormément d'émoi dans les communautés mondiales de par... c'était choquant, dans le vrai terme, dans le vrai sens du terme, de voir un procès qui mettait sur la sellette un criminel de guerre aussi notoire et aussi cruel que Adolf Eichmann, mais aussi très révolutionnaire au niveau de ce qui était la télédiffusion. C'est un très bon film, c'est excessivement bien fait, c'est tourné à d'une façon qui nous fait croire qu'on assiste vraiment à ce qui se passe, appuyé par de nombreux de nombreuses archives au niveau de du véritable procès. Donc c'est très très bien fait, les Eichmann Show. Pour ceux qui sont captivés d'histoire, bon, en fait c'est un côté très sombre de l'histoire, mais ça vaut vraiment la peine de le voir. Et le dernier que j'ai retenu au niveau du cinéma pour 2016, il y en est sorti beaucoup, énormément, il y en a qui m'ont plus, mais il y en a qui m'ont plu beaucoup plus que d'autres. C'est le film The Revenant, qui était dans les faits, qui est une production de 2015, mais qui est paru en 2016 uniquement, qui est créé par Alejandro González Iñárritu et qui met en vedette l'excellent Leonardo DiCaprio, le très bon Tom Hardy et Domhnall Gleeson, qui, ben en fait, ça nous ramène à les terres sauvages profondes de l'Amérique à l'époque des trappeurs. Alors que un de ceux-ci est attaqué par un ours et qui est grièvement blessé et qui est abandonné par ses équipiers et qui tentera de survivre, mais aussi de se venger de cet abandon qui fut très volontaire de la part d'un de ses ben pratiquement un associé dans le cas présent. Donc c'est un film qui est très long, un film qui a souvent peu de dialogue, mais qui est tellement bien fait. Au niveau, je dirais, graphisme pictural, qui, en fait, le film ne nécessite pas d'avoir énormément de dialogue pour être complet en lui-même. The Revenant, c'est un très bon film. J'ai beaucoup aimé. Donc, ceci clôt la portion cinéma et séries télévisées. On va peut-être y arriver, finalement. On va poursuivre cette fois-ci avec une mention numéro 7 de mon top 10 mentions, avec une formation américaine qui porte le nom de Serpentine Dominion. C'est leur première parution à ce projet qui est, l'album est simplement homonyme, Serpentine Dominion, qui est paru le 28 octobre sous étiquette Metal Blade. Et c'est le projet, c'est un side project, si on veut, de George Cobbs Grinder Fisher, bien entendu, qui est le frontman et vocal de Cannibal Corpse, auquel s'est joint Adam Dutkiewicz, qui est la guitare et la basse, qui lui fait partie, entre autres, de Killswitch Engage et le Shadow Swarl, un ex-Shadow Swarl. Et aussi à la batterie, Shannon Lucas, qui lui est un ex All That Remain, un ex de Black Dahlia Murder. Donc c'est trois styles qui sont relativement différents, je dois dire, qui a donné une mixture assez intéressante, mais on reconnaît évidemment, on reconnaît le style de George Fisher et ce qu'il a ramené à ce groupe Serpentine Dominion. Je vous propose deux pièces à l'instant, soit l'introduction qui est suivie tout de suite de Vengeance in Me, ainsi que suivi de Divide, Conquer, Burn and Destroy. Serpentine Dominion, let's go! Thank you. Oh, Serpentine Dominion, deux pièces tirées de leur premier album homonyme, paru le 28 octobre dernier sous étiquette Metal Blade. On a entendu à l'instant Divide, Conquer, Burn and Destroy. Et c'était précédé de Vengeance in Me, précédé d'introduction un peu plus légère. Ben, on reconnaît, en tout cas, dans ces deux pièces-là, je vous dis pas que c'est l'entier comme ça, parce qu'il y a des... Il y a évidemment des pièces qui comportent des sonorités qui sont très, je dirais, détonnantes, surtout au niveau du vocal par moment. Ça peut rappeler quelquefois les contrastes que Burton Seabell va utiliser dans Fear Factory. Peut-être même un petit peu plus mélodique, mais l'album est très intéressant et évidemment, indéniablement, comme je l'ai dit avant la présentation des deux pièces, on reconnaît un style à la Cannibal Corpse. La prochaine présentation est une formation qui existe depuis fort longtemps, qui aura évidemment eu certaines pauses de quelques... pas loin de quelques décennies. Formation canadienne qui a vu le jour en 1985 à Montréal. Formation Aggression. Et le 10 novembre dernier, Denis Sasquatch Bart et maintenant ses compères d'Aggression, qui sont évidemment plus ceux de l'époque, nous offraient un troisième album studio complet sous étiquette Extreme Music, et soit dit en passant, il devrait être distribué ici éventuellement, ou peut-être sous peu, par l'étiquette Galley Records. Nous présenter ce troisième album, Fragment Spirit Devils, qui fait office de numéro 8 dans mon top 10. Je suis un fan inconditionnel d'Aggression, et ça depuis le début. J'ai toujours admiré la façon de jouer de Denis Bart. C'est un ami aussi. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à échanger avec lui. J'admire deux fois plus, je dirais, sa façon d'avoir repris le flambeau d'Aggression et de l'avoir amené. On sait qu'ils ont été en tournée en Europe à l'automne dernier. Grande tournée, pas toujours dans des conditions exceptionnelles, je dois le dire. Mais on voit qu'ils ont vraiment le feu sacré. Il est très bien secondé par Brian Langley au vocal, Ex-Infernal Majesty, ainsi que les autres musiciens que je ne connais pas, malheureusement. J'aurais peut-être le plaisir de les voir un jour. Et Aggression avait, selon leur Facebook officiel, le vendredi dernier, disait qu'ils auraient une annonce très importante à faire ce mardi-ci, qui était probablement l'annonce la plus importante dans l'histoire d'Aggression. Ça me semble pas avoir été encore fait. Étant donné qu'il y a 3 heures de décalage avec l'Ouest canadien, peut-être que ça se fera un peu plus tard dans la soirée, je n'ai aucune idée, mais quoi qu'il en soit, c'était surveillé. Je ne sais vraiment pas de quoi il en rejette comme nouvelle. Je leur souhaite que ce soit une signature majeure, mais bon, quoi qu'il en soit, on va écouter deux pièces tout de suite de ce Fragment Spirit Devils, soit At Play in the Fields of Satan, qui sera suivi de Chapel of Horror, en fait l'introduction, et Chapel of Horror et sera suivi de Unleashing the Ghost, Aggression. Let's go. That by the singular gift of divine providence, the longed for day has finally dawned when, under the auspices of the Virgin Mother of God, whose maternal dignity is commemorated on this feast, the Seventh Catholic Clerical Assembly is being solemnly opened here beside St. Peter's tomb. In this regard, it is a source of considerable sorrow to see that the greater part of the human race, although all men who are born were redeemed by the blood of Christ, does not yet participate in those sources of divine grace which exist in the Catholic Church. Hence, the Church, whose light illumines all, whose strength of supernatural unity redounds to the advantage of all humanity, is rightly described in these beautiful words by Aggression. Vous êtes dans la zone 89.1. La radio CIFOU 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan propose des visites de brasserie pour seulement 5 $. Tu es curieux de savoir comment ça se brasse? Pour savoir où ça brasse et comment ça se brasse, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. Circuit des étudiants. Affiche ta fierté UQTR. Du 14 au 16 février 2017, publie le mot-clé « Futur diplômé UQTR » au singulier, sans accent, accompagné d'une photo qui représente ta fierté d'être un futur diplômé. 3 prix à gagner. 2 bourses de 250 $ offertes par la Fondation de l'UQTR et une Apple TV accompagnée d'une carte iTunes d'une valeur de 250 $ offerte par TD Assurance Meloche Menox. Une présentation du Bureau des diplômés de l'UQTR. Vous êtes qui vous vous assumez? Le Mathieu Plante Show aussi. Retrouvez la chronique télévisuelle Television Television, le blog Science et Technologie Merci Science, le segment Geek CNX, C'est un fait Tech Edition et d'un gamer à un autre avec Samuel Girard. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, les mercredis de 15h à 17h. C'est fou! Comme la vie est belle! Je suis Belle Emmanuelle et les mercredis à 13h, vous m'envoyez vos messages et vos questions et je vous réponds avec une chanson. Soyez là pour répondre avec une chanson sur les ondes de C'est fou! h 42, et là je me sens plus pressé que jamais. Je sais pas comment je vais faire pour y arriver. On vient d'entendre la formation canadienne Aggression, deux extraits de leur troisième et plus récente parution Fragmented Spirit Devils, qui est paru sur Extreme Music en Europe pour le moins en 2016, soit le 10 novembre dernier. Comme je le disais tout à l'heure, on devrait avoir sous étiquette canadienne Galley Records. On a entendu Unleashing the Ghost, c'était précédé de l'introduction, très bonne introduction d'ailleurs, At Play in the Fields of Satan, et suivi de Chapel of Horror, qui s'appelait initialement dans les années 80 Horror Chapel, mais qui n'est jamais paru nulle part au niveau des enregistrements et d'Aggression. Sasquatch a repris cette pièce, il l'a remaniée sous le titre de Chapel of Horror pour Fragmented Spirit Devils. La semaine prochaine, peut-être qu'il me restera une formation de la rétrospective à vous présenter. Chose certaine, c'est que j'ai encore quelques petits groupes que j'aurais bien aimé en 2016, que je vais probablement vous concocter un petit bloc d'ouverture avec les formations comme The Resistance, Exhumer, Anthrax, Motorhead, avec la dernière parution en spectacle Clean Your Clock, bien sûr, et la formation suédoise Santinex. J'aurai aussi des nouveautés. Nouveautés qui sont, bien sûr, parues, que j'aurais dû faire passer, faire jouer cette semaine, parce qu'ils sont parus vendredi dernier, mais bon, l'accord d'émission ne me le permettait pas, donc on va avoir entre autres des extraits du nouvel album Creator, Gods of Violence, qui est paru la semaine dernière, ainsi que les très bons Hour of Penance et leur dernier album Cast, The First Stone, paru vendredi également. Ce vendredi dès 11h, qu'est-ce que je raconte? Ne manquez pas, vous, vrais amateurs de vrai rock et de métal, plus tard dans l'émission Rock Classique, en compagnie du Rockmaster, Alain Lefebvre et de la mienne, je serai là cette semaine, pour un spécial 1967, une année qui a été très prolifique au niveau du rock et du psychédélisme aussi. Donc, une émission spéciale premier volet consacré à 1967. C'est dès 11h jusqu'à 17h pour les vrais amateurs de vrai rock. C'est Fou 89.1 FM, bien sûr, rock classique. Aussi, pour vous, amateurs de métal, si vous êtes incapable d'attendre jusqu'à mardi prochain pour réanimation, ben, consolez-vous parce que vendredi, c'est Subversion avec notre ami DJ Tower of Death sur les ondes de Underground Québec, que vous pouvez aussi réécouter sur en streaming sur, pas en streaming, mais en podcast sur SoundCloud. Et si vous êtes toujours à l'affût de chroniques et de toutes sortes, que ce soit musical, que ce soit cinématographique et peut-être même au-delà, ben, je vous invite à aller lire les farfeluteries de notre ami Sinistro sur lamort.com. On va continuer musicalement cette fois-ci avec une formation suédoise. Qui en est à son seulement sixième album, malgré le fait qu'elle existe depuis 1997. Je parle de Witchery. Deux extraits du très très bon album In His Infernal Majesty Service, qui est paru, pardon, le 25 novembre dernier sur cette étiquette Century Media. Et tiens, je vais dédier cette pièce à Sarah, Tempête, Moon et Salem, ainsi qu'à mon ami DJ Tower of Death, en espérant qu'il aura découvert cet album et qu'il l'aura aimé, parce que la pièce Leviathan est excellente. OK, go! Formation suédoise, très bonne formation et très bon album. Witchery avec à l'instant The Burning of Salem, juste avant Leviathan qui est tiré de In His Infernal Majesty Survives, qui est paru le 25 novembre dernier sous étiquette Century Media. C'était leur sixième album studio en carrière. En fait, ce n'est plus le même chanteur. Je crois qu'il s'appelle, je sais pas, mais bon, je m'en rappelle plus. Anyway, il remplaçait celui qui portait le nom de Emperor Magus Caligula. À peine le temps de vous dire que je serai là la semaine prochaine pour, je vais conclure, j'aurai pas le choix, là. Je vais débuter plutôt l'émission la semaine prochaine avec ce avec quoi j'aurais dû conclure le dernier band que je voulais vous passer. Mais quoi qu'il en soit, je vous laisse avec une formation allemande qui est le numéro 4 de mes mentions, Revel in Flesh. Pièce tirée de Mystery of All Plagues, qui est paru le 2 décembre dernier, le quatrième album en carrière, étiquette Cyclone Empire, la pièce étant Dead to This World, et restez des nôtres sur les ondes de C'est Fou, parce que Matière Noire s'en vient. Donc, à la semaine prochaine, et d'ici là, allez tous vous faire foutre. See you! shoot.